Racine de moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'écouter la présentation par Jean-Marc Royer de son ouvrage « Le monde comme projet Manhattan, des laboratoires du nucléaire à la guerre généralisée aux vivants ». C'est un livre qui est paru aux éditions du Passager clandestin en 2017, avec une préface d'Annie Thébault-Moni et une postface d'Anselme Yappeux. Mais tout de suite, je cède la place à cet enregistrement qui est réalisé à partir d'une émission de Radio Libertaire. Le monde comme projet Manhattan, des laboratoires du nucléaire à la guerre généralisée aux vivants, est un ouvrage sur la question du nucléaire et de ses multiples conséquences. Si Jean-Marc Royer consacre les deux premières parties de son essai à une toute autre histoire du nucléaire, avec force détails historiques et scientifiques, il s'attache ensuite à pousser l'analyse bien au-delà de l'enquête ou du constat des méfaits d'une « science » entre guillemets, quasi déifiée et largement récupérée en premier lieu par les complexes militaro-industriels. Le nucléaire est la figure de proue d'une civilisation fondamentalement morbide, mortifère et autodestructrice, qui s'est violemment imposée en Occident depuis 2 siècles. Mais cette prémisse posée, il est crucial d'appréhender et de croiser les dimensions historiques, politiques, philosophiques et industrielles de la question pour cerner dans le détail comment le nucléaire a profondément changé les perceptions humaines et sociales au plan planétaire. Et pour comprendre, par exemple, de quelle manière les États-Unis en ont usé pour s'attribuer le rôle de gendarme du monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela, dans la perspective de résister à une fatalité entretenue par un imaginaire du progrès, la seule position politique et philosophique qui rende compte de l'essence du nucléaire consiste à soutenir que c'est un écocide et un crime contre l'humanité de type nouveau au vu de ses effets quasi irréversibles. Dans la seconde partie du monde comme projet Manhattan, Jean-Marc Royer revient donc sur l'origine de l'ère nucléaire et insiste sur le fait que la stricte contemporanéité d'Hiroshima et d'Auschwitz n'est pas fortuite, qu'elle ressort des mêmes secrets de famille du capitalisme et qu'en outre, la conjonction de ces deux crimes contre l'humanité dans les années 1940 est le signe d'une rupture historique fondamentale. Sur fond de synergie entre capitalisme et connaissances scientifiques. Il est d'ailleurs intéressant d'observer que la mémoire de ces événements historiques est différemment traitée dans l'histoire officielle et que, jusqu'à aujourd'hui, les effets des catastrophes nucléaires sont généralement minorés et que perdure le réflexe de déni de la part des autorités et des industriels concernés. En 1945, le monde découvrit stupéfié les premières photographies des camps de la mort. Quelques semaines plus tard, les rares images du bombardement atomique de la population japonaise se résumaient essentiellement à celles des champignons atomiques. Ce dernier événement fut si massif, soudain, étonnant, que l'intellect et l'imaginaire en furent tétanisés. Précisons tout de même que sa publicité fit l'objet d'une préparation bien orchestrée par les responsables du projet au cours des mois précédents, si bien qu'il fut drapé dans le prestige d'une révolution scientifique, et comme sa puissance est apparue hors norme et irreprésentable, son caractère abstrait en fut conforté. La réalité fut tout autre et ses conséquences bien plus terribles encore, car le crime contre l'humanité commis au Japon se doublait dès l'origine d'un biocide qui a contribué à l'ouverture d'une nouvelle époque historique, et même celle d'une ère nouvelle, qu'il nous faut bien caractériser pour définir l'état des lieux actuels. Mais le travail d'élucidation fut compliqué par le degré sans précédent de falsification historique à laquelle l'invention du nucléaire a donné lieu dès son origine, ce qui en fait une des figures archétypales de la manière dont les vainqueurs écrivent l'histoire. Autrement dit, la falsification de l'histoire des 2 derniers siècles a été proportionnelle au désastre engendré par le capitalisme industriel depuis la fin du XVIIIe siècle et l'histoire officielle du nucléaire en constitue le summum. Cette dissimulation revêt en outre le statut de secret de famille, un concept emprunté à la psychanalyse pour illustrer à quel point les refoulements de l'historiographie occidentale demeurent profonds. Ils continuent même d'obscurcir la réalité politique aux yeux des générations actuelles. Les États nucléaires ont perdu un des fondements de leur légitimité constitutionnelle, protéger leurs citoyens, et devraient être jugés pour le biocide et les crimes contre l'humanité commis depuis 1945. Certes, il y a peu de chances que cela advienne un jour. Néanmoins, une telle idée doit faire partie de l'horizon de toute réflexion politique ou philosophique concernant le peu d'avenir que contient le monde où nous sommes. Nous parlons du livre de Jean-Marc Royer, Le Monde comme projet Manhattan, des laboratoires du nucléaire à la guerre généralisée aux vivants. Très beau sous-titre, mais en fait c'est un deuxième sous-titre puisqu'il y avait un sous-titre initial qui a existé dans une première version du livre. Donc un des sous-titres, enfin même le titre, j'en avais proposé plusieurs, mais le sous-titre qui était le précédent s'intitulait « Capitalisme ». Et guerre universelle aux vivants depuis Hiroshima. Moi, j'aurais même souhaité dire capitalisme et guerre universelle aux vivants depuis Hiroshima et Auschwitz. Dans tout le livre, j'ai eu l'impression de chaque fois rentrer un peu justement dans ces coulisses du capitalisme. C'est-à-dire de soulever un petit, d'aller un petit peu derrière et de voir, mais finalement, cette chose merveilleuse qu'on nous présente comme un magnifique progrès. C'est une histoire de mort, essentiellement. J'essaye d'énumérer rapidement les caractères que j'estime nouveaux de cette analyse en ce qui concerne le nucléaire, l'apparition même du nucléaire. Vas-y, je t'en prie. Je souhaitais commencer par là, parce que l'analyse que je fais de l'existence et de la naissance et de l'existence même du nucléaire se différencie beaucoup de l'analyse qui a pu être faite dans toutes les dernières décennies de la question nucléaire. D'abord, bon, alors évidemment, c'est pas en quelques minutes qu'on peut le démontrer, mais j'insiste sur le fait que ça doit être qualifié, non pas comme une catastrophe, comme je l'ai entendu il y a encore moins de 10 jours. C'est un crime contre l'humanité, tout à fait spécifique, et qui se double d'un biocide. Dans le sens où, je vais donner juste un détail, c'est que après la première explosion nucléaire du 16 juillet 1945 à Alamogordo, une vingtaine de jours après, la radioactivité, ils mesuraient la radioactivité dans le désert du Nouveau-Mexique, évidemment, et ils se sont aperçus que la radioactivité remontait terriblement une vingtaine de jours après. Et ils ont compris, assez rapidement, parce que les courants Gulf Stream étaient déjà connus depuis 1920 et l'aviation états-unienne avait été confrontée au problème dans ses attaques contre le Japon. Ils ont compris que, en fait, c'était les courants de la haute stratosphère qui avaient ramené le nuage de radioactivité. Donc, ils savaient très bien, avant même les bombardements, ils savaient très bien que chacun de ces bombardements allait répandre sur la surface du globe les radionucléides, qui par la suite, après dans les années 60, a été vérifié dans les carottages que Claude Lorius a pu faire au pôle sud. Donc ça veut dire qu'ils savaient pertinemment que ce n'était pas un bombardement comme les autres, d'autant plus que aussi ils se sont ingéniés à minorer les conséquences des radiations sur les sites même, sur l'emplacement même des villes d'Hiroshima et Nagasaki. Bon, ça, tout le monde le connaît. Mais ce que le mouvement antinucléaire pouvait pas savoir, ce sont des choses qui ont été mises à jour dans la fin des années 90. C'est à travers le travail de la commission de Chris Busby, on sait qu'on peut attribuer aujourd'hui à l'existence même du nucléaire plus de 60 millions de morts depuis 1945. Donc ça veut dire plus que le nombre de victimes qui ont été établies pour la Seconde Guerre mondiale. J'insiste là-dessus. Pourquoi ? Parce que j'ai aussi été confronté à ça. C'est-à-dire, comme ce ne sont pas des victimes qui tombent sur un champ de bataille, qui ne sont pas visibles, alors ça devient un non-événement. Et même on pourrait le comparer au fait que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plus de 60 millions de morts dus aux accidents d'automobiles. Ça aussi, c'est quelque chose qui est un produit de ce capitalisme que j'appelle thermo-industriel. Mais ça n'est pas visible. Donc, dans l'historiographie, même chez les historiens des sciences, et j'y ai été confronté dans des séminaires d'historiens des sciences, ça n'est pas pris en compte. Il y a aussi autre chose, c'est que on sait qu'aujourd'hui, que les incendies qui ont lieu dans l'est de l'Europe, ou bien les vents qui viennent du Sahara, ramènent des dizaines d'années après des radionucléides qui participent pour un tiers à la présence du césium dans l'atmosphère de ce pays. Bon, on savait bien évidemment que dans ces radionucléides, il y avait des radioéléments comme le plutonium qui a une demi-vie de 29 000 ans. Donc, ces retombées radioactives, on les a pour une éternité. Mais ce qu'on ne savait pas non plus, parce que ça a été bien trafiqué, les études épidémiologiques ont été bien trafiquées, c'est qu'aujourd'hui, il y a à travers la transmission des malformations génétiques, quelque chose qui perdure aussi ad vitam aeternam. Ça peut, suivant les modifications du génome, soit se traduire immédiatement dans la génération qui vient, mais ça peut aussi se traduire dans la 22e, 30e, Xème génération. Ça, Alain Dubois le montre bien dans son livre qui s'intitule « Un biologiste contre le nucléaire », dont la première partie, Jean Rostand, est bon. Il vaut mieux pas la lire, d'ailleurs. Mais la seconde partie est très, très, très bien documentée. Il a fait un excellent travail sur cette question-là. Et donc, ce qui ressort de ça, par exemple, même quand il y a des catastrophes, comme à Windscale, Sellafield, en 1957, c'est les premières catastrophes, ou à Mayak, en ex-Union soviétique, c'est que, en fait, il y a une telle contamination des territoires autour de ces désastres ponctuels que ça rend invivables les territoires. C'est la même chose autour de Tchernobyl. Donc, je voudrais insister sur le fait que c'est une forme de régression terrible parce que ce soit du point de vue génétique, que ce soit du point de vue de toutes les maladies radio-induites de type cancer et autres, que ce soit la contamination des territoires, c'est une espèce de régression, on pourrait dire une espèce d'impôt du sang qui est versé, que l'humanité verse à cette industrie. J'emploie exprès le terme d'impôt du sang, parce que ça marque bien la régression que ça signifie. Les nucléocrates nous serinent sans arrêt que nous voulons revenir à l'âge des cavernes, mais en fait, dans les faits, et à travers, par exemple, la contamination des territoires, ce sont eux qui nous font revenir, qui font revenir l'humanité à des âges antédiluviens. À la fois par cette imposition, mais aussi, par exemple aussi, on pourrait le dire de manière différente, c'est que, en fait, en imposant l'industrie nucléaire dans le monde, ils nous ont imposé aussi le fait qu'on est obligé d'en avoir la mémoire et puis d'entretenir ce savoir et d'entretenir des ingénieurs et des techniciens qui seront pendant, alors là, ça on ne sait pas le dire parce qu'on n'en a pas l'expérience, mais pendant au moins des dizaines d'années, voire plus, obligés, même si on change de société, on sera obligé d'avoir ce type de savoir d'ingénieur et de technicien pour décontaminer et pour arrêter toutes les centrales nucléaires en question. Et enfin, dernier point, ce qui se passe est tellement violent et tellement important. Il faudrait dire juste un mot sur le projet lui-même. Bon, juste un mot. Sur 32 sites, dont certains étaient secrets, il y a eu jusqu'à plus de 500 000 personnes qui ont travaillé à certains moments donnés sur ce projet. Donc c'était une énorme machine scientifique, industrielle, militaire, etc. Et ça a pris un tel poids, en fait, dans la guerre elle-même. Ça a une telle importance qu'en fait, ils en viennent à gangréner tous les appareils d'État. D'abord, évidemment, en commençant par les États nucléaires. Et ça, cette gangrène des appareils d'État avec autre chose qui est plus historique et sur lequel on reviendra, sur lesquels tu as fait ton introduction, c'est quelque chose de très important parce qu'à ce moment-là, il y a une rupture historique et se met en place ce que j'appelle une guerre généralisée au vivant. Et ça ne peut se mettre en place que suite à d'abord à la force de cette industrie, auxquelles ont participé au passage toutes les grandes industries états-uniennes, hein, General Electric, Monsanto, Kodak, DuPont, etc., etc. Monsanto était déjà dans le coup, hein, dans le projet. Toutes ces grandes industries acquièrent à travers la réussite, entre guillemets, du projet Manhattan, un poids politique, scientifique et militaire tel que c'est carrément vu par certains politiques comme l'avenir du monde. Et là, c'est ce qui leur permet de gangréner les appareils d'État et en fait d'aller vers, on pourrait appeler, la réalisation de l'essence du capitalisme, c'est-à-dire une guerre généralisée au vivant. Et par exemple, Monsanto se reconvertit très vite dans l'agro-industrie. Et quand on pense à ce qu'est la révolution verte qu'on nous a vantée, on comprend bien que là, il se met en place des choses. D'ailleurs, au passage, il faudrait arrêter, comme je l'entends encore cette semaine, de parler de Trente Glorieuses. Il faut arrêter cette vision fétichiste de l'histoire. Mmh. Ces Trente Glorieuses, c'est un truc qui a été inventé par l'économiste Jean Vourastier, c'est quelque chose qui vise à masquer justement qu'après-guerre, il y a une rupture historique. Il y a une rupture historique même pour le monde en tant que tel, pour la planète, pour le vivant, pour les les êtres humains, il y a une rupture aussi dans le capitalisme en tant que tel lui-même, et cette rupture, ils ne veulent pas, évidemment ils ne veulent pas la voir, ça c'est une évidence, mais en même temps ça vise à masquer ce qui se produit après, c'est-à-dire cette guerre généralisée aux vivants. Ce qui serait peut-être intéressant pour que les personnes comprennent un petit peu, qu'est-ce que le projet Manhattan en quelques mots, c'est-à-dire en dire comment ça a commencé, puisque toi tu dates dans ton livre en fait les deux derniers siècles. Ça a commencé à la fin du 18e. Ça dépend de quel point de vue on se place. Parce que si on se place du point de vue scientifique, ce qui est toujours rebâché dans le mouvement antinucléaire, c'est que ça a commencé avec Becquerel et la découverte des radiations en 1895. Bon, mais si tu veux, c'est pas tout à fait ma démarche. Ça... Oui, ben justement, c'est ce qui m'intéresse, parce que effectivement, on pourrait voir ça d'un point de vue scientifique en disant, ben non, les premières expériences et là, là, là. Tandis que toi, c'est pas seulement le côté scientifique qui est examiné, mais c'est aussi la réflexion, la pensée, la doctrine. Donc, ça date d'avant, parce qu'on n'arrive pas d'un seul coup, on fait une expérience et ça change tout. C'est quelque chose qui se prépare. On a l'impression même, dans ton livre, que ça a été quelque chose de souterrain, presque. Il faudrait repartir dans l'histoire du capitalisme, mais je voudrais ajouter quelque chose parce que je l'ai oublié, que ça me semble très très important, dans cette qualification même du nucléaire en tant que tel, ça j'avance quelque chose qui n'avait jamais été avancé à mon sens aussi clairement en tout cas, et à ma connaissance, c'est qu'il faut qualifier aussi le nucléaire comme le fils aîné du mode de connaissance scientifique, en tant qu'il intègre à la fois la relativité, E égale MC2, et puis la physique des particules. Et ça, c'est très très important, parce que comme dirait Einstein, on ne peut pas résoudre un problème ancien avec les concepts anciens. Pour le dire plus clairement, on ne peut pas s'en remettre aux scientifiques pour développer une critique radicale du nucléaire. D'ailleurs, le mouvement des physiciens qui s'est déclenché aux États-Unis en 45 après les bombardements qui mobilisaient des centaines de scientifiques et de physiciens, il a fait flop au bout d'un an, parce que c'est une critique qui est une critique tronquée et en tout qui ne reflète pas, qui ne rend pas compte des origines de ça. Alors, ce qui m'a permis de remonter, c'est qu'en fait, j'ai fait le rapprochement avec Auschwitz. Je me suis dit, bon, c'est quand même étrange que dans les années 40, il y ait eu ces deux types de crimes contre l'humanité et que ça a été aussi marquant et aussi important. Et là, bon, moi, c'est quelque chose qui me préoccupe depuis très longtemps. J'avais commencé à réfléchir. Et là, les lectures d'André Pichot sur la question de l'eugénisme ont été fondamentales pour moi. C'est-à-dire que j'en étais arrivé déjà à la conclusion suivante, une hypothèse en tout cas, plus exactement, mais en tout cas je la soutiens, c'est qu'il fallait remonter dans l'histoire du capitalisme pour tout comprendre. Par exemple, contrairement à ce qu'on nous dit, on nous serine à ce qu'on apprend à l'école dans tous les livres d'histoire, même je remets en cause la notion de révolution industrielle. Ça va jusque-là. Là, je m'appuie sur Karl Polanyi qui dit « L'introduction du capitalisme fin 18e siècle en Occident doit être comprise comme quelque chose qui a eu des effets aussi néfastes que l'introduction du capitalisme en Afrique. » C'est-à-dire que ça détruit absolument tout. Ça détruit les liens de parenté, ça détruit la structure culturelle, ça détruit la société dans son tréfonds. Et contrairement, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis absolument contre l'usage maintenant, de plus en plus l'usage du terme de révolution industrielle, parce que là aussi c'est une sorte de mystification, c'est-à-dire bon, qui est repeinte aux couleurs du progrès. Et en fait, ça a été une catastrophe dans toutes les sociétés occidentales, qui a engendré des millions et des millions de gens qui ont été obligés de quitter leur terre et d'immigrer. J'ai appris il n'y a pas tellement longtemps, je n'avais pas étudié l'histoire de l'Italie en particulier, qui a au 19e siècle et au début du 20e siècle, plus de 20, je ne me souviens plus exactement des chiffres, entre 20 et 30 millions d'Italiens qui sont partis de leur pays. Même chose en Allemagne, etc., etc. Donc ça a produit, contrairement à ce qu'on nous dit, comme je disais à l'école, on dit il y a eu un exode rural, mais c'est une vaste fumisterie. Ça pourrait donner à croire que d'un coup les paysans ont été attirés par les lumières de la ville, comme aurait dit Chaplin, et qui ont quitté leur terre comme ça, quoi. Alors que pas du tout, ils étaient poussés dehors par tout ce système qui se met en place. Donc à partir de là, on a toute une autre vision du capitalisme et de l'installation. Par exemple, tout ce qui a été péjoré comme le romantisme, eh bien ça, il faut le comprendre à l'aune de la dévastation physique, matérielle, culturelle que le capitalisme a entraîné en Occident. Et ce courant du romantisme, on peut parler aussi des courants de lutte par rapport aux premières usines, c'est-à-dire les luddites. Tous ces courants doivent être réexaminés. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant longtemps, dans le marxisme traditionnel, il a été dit, tout ça, ça fait partie d'une critique artiste du capitalisme. pas du tout. C'est une critique aussi des conséquences anthropologiques du capitalisme au 19e siècle. Et ça doit être pris en tant que tel, parce qu'aujourd'hui, ce qui se joue aussi, et ce qui s'est joué avec ce capitalisme, et ce qui se joue encore maintenant, et encore plus peut-être maintenant avec les technologies nouvelles, c'est justement au fond quelque chose qui modifie la structure anthropologique de l'être humain, notre être en tant que tel. Donc, à partir de là, bon, comme je disais tout à l'heure, quand on lit André Pichot et qui met en lumière ce qu'a été l'eugénisme, c'est-à-dire un vrai mouvement de masse à la fin du 19e siècle et au début du 20e, à la fois aux États-Unis et dans les pays d'Europe réformée, ça n'a pas marché dans les pays, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, ça n'a pas fonctionné. Ça a essentiellement fonctionné en Suisse, en Allemagne et dans les pays nordiques. D'ailleurs, la Suède a été un dernier pays en 1972 à abolir ses lois eugéniques. Jusqu'en 72, oui. Mais le Japon a fait mieux. Le Japon a adopté des lois eugénistes en 1948. Ils ont fait les choses tardivement, mais ils se sont rattrapés de tous les points de vue. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé après avec le nucléaire dans le Japon et Fukushima. Et donc là, la psychanalyse m'a aidé aussi à comprendre au fond ce qui s'est passé. Bon, je vais le résumer à grands traits parce que ce n'est pas possible de faire autrement. Mais l'eugénisme, ça doit, à mon sens, être qualifié de la manière suivante. L'eugénisme, c'est une transgression du tabou du meurtre, et en l'occurrence même du meurtre de masse, qui est légitimé par le mode de connaissance scientifique. Ça veut dire que, très vite, le mouvement eugéniste, qui d'abord prône les stérilisations, va dévier sur l'élimination des improductifs, des inutiles, etc. etc. Chose qu'on voit aujourd'hui ressortir dans le transhumanisme. Mais sans même se cacher, j'ai lu récemment des productions de ces messieurs, ça m'a vraiment étonné, Et donc, pour en revenir à l'interprétation de ce qu'est, au fond, l'eugénisme, c'est, je le répète, c'est une transgression du tabou du meurtre, c'est-à-dire, le tabou du meurtre, c'est quoi en psychanalyse? C'est quelque chose qui nous permet de vivre ensemble, qui est à la base, qui est fondateur dans les relations humaines, dans toute culture, dans toute civilisation. S'il n'y a pas de tabou du meurtre, bon, il n'y a plus qu'à s'entretuer tous les uns les autres. C'est la loi de la jungle. Voilà, c'est ça. L'eugénisme, c'est en fait la justification, la légitimation par le mode de connaissance scientifique de cette transgression. Et d'ailleurs, les Allemands sont parmi les premiers à passer le Rubicon, si on peut dire, parce que dans leur colonie en Namibie, dès 1904, il y a des camps de la mort dans lesquels ils exterminent les Herero et les Nama, et ils envoient, ils font des expériences médicales sur les Herero, et ils envoient les crânes à Berlin pour faire des mesures de craniométrie, comme ils disaient à l'époque, etc., etc. Et déjà à l'époque, dans ces camps de la mort, officie un des grands pontes de l'eugénisme, qui est anglo-américain, Fischer, qui sera le prof par la suite de Mengele. Donc, dès 1904, là il faudrait rentrer dans les détails, mais dès le début du XXe siècle, il y a ce franchissement du tabou du meurtre. C'est pour ça que je dis, quand par exemple le philosophe Levinas dit « le nazisme a été comme un coup de tonnerre dans le ciel serein et grandiose d'une grande civilisation qui brillait par sa haute culture », mais pas du tout. Les prolégomènes du nazisme étaient là 30 ans avant son arrivée au pouvoir. Et ils sont directement reliables à l'histoire du capitalisme. Là, je termine sur cette partie. C'est-à-dire, ce que je soutiens aussi, c'est que vers 1850, ils se nouent par hasard. Il n'y a pas un grand manitou du capitalisme là derrière. Il n'y a pas de vision de ma part conspirationniste. Toujours. Mais il se noue, dans les faits, une espèce de triple alliance entre le mode de connaissance scientifique moderne qui se cristallise à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a un corpus théorique qui est élaboré, il y a la science expérimentale et il y a la validation par les pairs à travers les revues à comité de lecture et les congrès internationaux. Bon. Et en même temps que ça, le capitalisme thermo-industriel, là, d'ailleurs, vire vers le charbon et s'établit et devient un fait social total à la fin du 19e siècle. En même temps, il y a les États-nations modernes qui se forment à peu près à cette époque-là. Donc je dis qu'il y a une triple alliance qui se forme là, entre mode de connaissance scientifique, capitalisme thermo-industriel et États-nations modernes, qui sont la base de ce que va devenir l'eugénisme et de ce que ça signifie de transgression, qui vont attaquer à la base toute culture, toute civilisation et tout ce qui fait communauté entre nous. Come your masters of war, here that build the big guns, here that build the death planes, here that build all the bombs, here that hide behind walls, here that hide behind discs,

tous les pays occidentaux sont eux aussi profondément déstabilisés par le grand renversement capitaliste en marche. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre la fulgurante expansion de l'eugénisme qui étaye, théoriquement et pratiquement, un nouveau récit appuyé sur un des emblèmes de la modernité en marche, la science. L'eugénisme constitue la base idéologique de ce que nous nommerions aujourd'hui une ingénierie sociale. Il désigne le mal, les asociaux, et fixe un horizon mythique à la communauté, Gemeinschaft, la pureté raciale comme garantie de sa pérennité. En Allemagne, cette désignation du mal s'est répandue à travers la stigmatisation violente des asociaux, que le code pénal ne définissait jusqu'en 1870 que sous les termes de vagabondage, de mendicité et de prostitution. Peu à peu, des phénomènes sociaux exacerbés par la prolétarisation galopante, misère, chômage, maladie mentale, alcoolisme, criminalité, famille déstructurée, valent à ceux qui les subissent les pires anathèmes, improductifs, parasites, sans valeur, corps étrangers nocifs et criminels. C'est un extrait dans la dernière partie du livre justement sur l'eugénisme. C'est donc un extrait du livre de Jean-Marc Royer, « Le monde comme projet Manhattan, des laboratoires du nucléaire à la guerre généralisée aux vivants ». Il y a eu une réflexion au cours de ces « entre guillemets 30 glorieuses » qui ne sont pas si glorieuses que ça. Je souhaiterais en fait avoir le temps et l'énergie d'écrire un livret soit pour un opéra, soit pour un oratorio à partir du livre que j'ai écrit. C'est parce qu'en fait je suis très très conscient du fait que même les arguments rationnels, même toutes les grandes recherches historiques, et là j'ai travaillé pendant des années sur les archives états-uniennes, à mon avis c'est pas suffisant parce qu'il y a des dimensions telles à ces phénomènes, à ces crimes contre l'humanité et à l'existence même du capitalisme, que les arguments rationnels ne suffisent pas à rendre compte de l'ampleur du phénomène qui touche notre être aussi en tant que tel, qui ont des conséquences de tous ordres, quoi, pas seulement théoriques, philosophiques ou politiques, mais aussi anthropologiques, quoi. Et ça me semble très important. D'ailleurs, bon, c'était pas ce que j'aurais dû dire aussi tout à l'heure dans l'élaboration et dans la montée de l'eugénisme, c'est qu'il y avait aussi cette dimension du côté de la bourgeoisie, c'est-à-dire en fait tout le 19e siècle est traversé par une grande peur de la classe montante et qui est vue comme le ferment d'une dégénérescence de la race blanche. C'est toujours dit comme ça. D'ailleurs, si on voulait avoir une expérience de l'état même de la classe ouvrière au 19e siècle, il faudrait lire, ce qui est facile à télécharger en ligne, les rapports des années 1836, un rapport qui est commandé par l'Académie des sciences morales et politiques, et il va visiter, si on peut dire, toutes les usines textiles très nouvelles, qui sont soit du côté de Montpellier, soit à Lyon, soit du côté de Belfort, soit dans l'est de la France, soit dans le nord, soit du côté de Rouen et en Normandie. Et il décrit la condition ouvrière, mais c'est quelque chose d'inimaginable aujourd'hui, quoi. C'est des journées de 15h à 16h. Et je disais, si on veut en avoir une petite idée, il faudrait revoir le film de Ken Loach qui parle de l'après-guerre, je crois que ça s'appelle 1945, j'ai oublié le titre exact, mais dans lequel il s'appuie sur des documents d'archives qui datent des années 30 dans les villes ouvrières de Manchester et Liverpool. Et on voit encore à cette époque-là, c'est-à-dire en 1930, l'état de la classe ouvrière anglaise dans les petites rues, ce qu'on appellerait nous des corons, des choses comme ça, c'est absolument incroyable. Ce sont des documents d'archives. À partir de ça, on s'imagine les conditions que pouvaient avoir les ouvriers. On voit très bien là le lien qu'il peut y avoir avec l'eugénisme, puisque si on peut aller jusqu'à traiter des personnes humaines de cette manière-là, on peut vite sauter le pas en se disant « bon, ben, finalement, ils comptent pour rien, donc on peut les liquider sans aucun problème ». Tout à fait. Ils sont déjà, cette prolétarisation-là, en fait, la plupart viennent du paysanat, évidemment. Ils sont dans la misère, quoi. C'est-à-dire, bon, je pense à des livres de Jean Robert ou Majid Ranema qui fait bien la différence entre la puissance des pauvres et la misère de ceux qui sont, en quelque sorte, expulsés de leurs conditions de vie habituelles et qui se retrouvent dans les faubourgs des villes. Et effectivement, on a là dans ces grandes fabriques, des hommes et des femmes et des enfants qui sont dans des conditions telles, ils sont réduits à de la chair à travailler. Et à partir de là, c'est évident que c'est beaucoup plus facile de les taxer de partie de l'humanité qui engendrerait une dégénérescence de la race blanche. La biologie envahit le domaine, y compris politique. C'est une biopolitique qui se met en route, quoi, en quelque sorte, qui vient justifier ça. Et c'est la radicale nouveauté, en quelque sorte, de Auschwitz et aussi, enfin, d'abord de la guerre totale mondiale industrielle de 14-18, qui là va enraciner les choses, bien évidemment. Puis ensuite, la guerre économique des années 30 et la Deuxième Guerre mondiale, Auschwitz, et puis Hiroshima, Nagasaki. Si on est d'accord pour dire que le capitalisme devient un phénomène, un fait social total en Occident à la fin du 19e siècle, il lui aura pas fallu 50 ans pour arriver à son essence, c'est-à-dire à la guerre généralisée aux vivants, quoi. Ce qui est assez invraisemblable, enfin, c'est étonnant, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de 50 ans, ce mode de production, comme aurait dit Marx, eh ben, au bout de 50 ans, arrive à sa vérité, qui est cette guerre généralisée aux vivants. Moi, ça me sidère quand je fais ce raccourci. Alors, cette espèce de progression qui amène justement à cette guerre totale contre les vivants. Après les bombes balancées sur le Japon, sur les vies japonaises, ton livre, un ami qui l'a lu me dit « Mais mon frère a fait son service militaire en Algérie, il est donc allé sur les sites des expériences nucléaires, et voilà, il est revenu avec un cancer. » Il y a plusieurs films qui ont montré, des films documentaires, que ce qui s'est passé, les explosions, les expériences qui ont été faites là-bas sur place, les gens leur disaient « Vous mettez des lunettes et puis vous mettez un petit chiffon devant la bouche, parce que ça peut être dangereux. » Mais tous ces gens-là sont revenus, ils sont tous, y compris d'ailleurs les officiels, il y a quand même une justice, mais c'est quelque chose d'absolument atroce. C'est-à-dire, en même temps, il y a cette conscience totale des dangers que ça peut générer. On pense tout de suite à l'image de ces gens qui regardent les expériences aux États-Unis, donc de l'explosion nucléaire dans le désert, et qui sont là en train de regarder avec des lunettes de soleil et dans un transat. Tu te dis, mais attends. Ils sont au spectacle, comme aurait dit Guy Debord. C'est ça. Mais ce qui se passe en Algérie, par exemple, c'est en même temps une alliance du colonialisme dans l'histoire, parce que quand ils font leurs premiers essais à Reagan et ensuite à Honecker, juste au-dessus de Taman Rasset, pour eux, il n'y a personne, quoi. Comme ce sont des nomades, c'est personne. Et comme ce sont des populations qui sont à 10 km ou 15 km des lieux des essais aériens, à la fois, il n'y a pas de danger et il n'y a personne, en fait. Et de toute façon, ils comptent pour pas grand-chose, quoi. Et les maladies ne sont toujours pas reconnues aujourd'hui, parce qu'il y a des malformations par rapport aux enfants qui naissent, par rapport aux animaux, par rapport aux humains qui meurent de cancer. Ça n'est absolument pas reconnu, ni par l'Algérie, ni par la France. Il y a eu l'indépendance en 1962, mais dans le traité, il y avait bien que la France pouvait continuer à faire ses expériences, je crois jusque presque dans les années 70, entre 65 je suis sûre, faire leurs expériences sur place. Il n'y a pas de problème, on continue à saloper votre pays. Et que maintenant, si des personnes vont avec un compteur geyser dans toute la région, le compteur, il bondit. Oui, tout à fait, parce que donc jusqu'en 1965, il y a eu ces essais. Ça faisait partie, effectivement, des accords d'Évian. Il y a, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul film qui décrit tous les dégâts que ça a pu avoir en Algérie. C'est Gerboise bleue, d'un metteur en scène algérien. Et c'est très bien montré. D'ailleurs, on peut se poser la question aussi, quand il y a eu cette semaine des barricades en 1961, c'est l'armée qui avait la haute main, en fait, avec le CEA, sur toutes ses premières expériences en Algérie. Après, ça a été délocalisé, si on peut dire, à Mururoa et à Fangatofa, dans le Pacifique. Et là aussi, on connaît les dégâts que ça a causé. C'est quelque chose qu'ils ne veulent pas reconnaître, parce que à reconnaître ça, d'ailleurs, sont les États-Unis qui, les premiers, ont engagé ce négationnisme, ce que moi j'appelle un négationnisme de la réalité même de ce qu'est le nucléaire. Juste une parenthèse, quand j'emploie le terme de nucléaire, pour moi, ça regroupe tout l'ensemble de cette industrie, c'est-à-dire pas seulement les armements, et pas seulement le militaire, mais aussi le civil. Et c'est ce que je développe, et c'est ce sur quoi Chris Busby a attiré l'attention, c'est-à-dire que même aujourd'hui, les doses qui sont acceptées pour ceux qui travaillent dans les centrales nucléaires, il faudrait les diviser par 10. Et puis même, j'en parlais il y a moins d'une semaine avec un copain qui a été passé un scanner abdominopelvien, et il m'a dit, j'ai pensé à toi quand j'ai passé ce scanner, parce qu'il y avait une urgence, et je lui ai dit, est-ce qu'il y a eu une protection des gonades? Et il m'a dit, dit non, pas du tout. Mais c'est toujours comme ça. Cette vision fétichiste du progrès qui fait que, soi-disant, même les usages médicaux n'auraient aucune conséquence. Ce qui est complètement faux, quoi. Je me souviens très bien, moi, avoir eu à passer des scanners ou des radiographies. Eh bien, la première fois que j'ai passé une radiographie pulmonaire et que j'ai demandé une protection de la thyroïde, j'ai les opérateurs devant moi qui m'ont regardé en disant, mais qui c'est celui-là, quoi. Et bon, et j'ai insisté, et bon, ils ont trouvé la protection. Et j'avais la protection qui n'est pas grand-chose. C'est un truc de plomb qu'on met sur la thyroïde pour pas qu'elle soit bombardée quand on a une radiographie pulmonaire. Par exemple, quand l'autorité de sûreté nucléaire fait des annonces, en fait, et dit que dans les 5 dernières années, il y a eu une augmentation de la consommation de l'imagerie médicale de 47%, mais c'est un truc uniquement pour se couvrir, parce que logiquement, il devrait en découler des préconisations. Et par exemple, à mon médecin personnel, un médecin de ville, moi j'ai fait un tableau Excel de toutes les radios, les radiographies, etc., les scanners que j'ai pu passer depuis 20 ans. J'ai fait ce tableau et bon, je me suis aperçu qu'en fait, je dépassais même la dose officielle à certains moments donnés des travailleurs du nucléaire. Et quand j'ai amené ce tableau à mon médecin personnel ou à l'oncologue, ils m'ont regardé. C'est-à-dire, aucun médecin aujourd'hui ne tient un tableau récapitulatif de toutes les irradiations de leurs patients, alors que ça devrait être une conséquence de cette communication de l'autorité de sûreté nucléaire. Pareil avec les oncologues. Quand l'oncologue, je lui ai demandé, bon, le carboplatine, ok, bon, on se met d'accord sur ce truc-là. Bon, moi, je discutais les choses avec lui. Et est-ce que vous connaissez les effets secondaires du carboplatine? Elle m'a regardé aussi comme ça avec des yeux ronds. Et c'était la première fois qu'il y avait un patient qui lui posait cette question. Il dit non, on ne connaît pas les effets secondaires de carboplatine. C'est-à-dire, pourquoi je posais cette question? Parce que jusqu'en 1955, on faisait passer des radiographies aux femmes enceintes. Des médecins avaient sonné l'alarme là-dessus. Ils n'ont pas été crus jusqu'au moment où il y a eu toutes les preuves que ça impactait les fœtus. Et donc, on a arrêté de radiographier les femmes enceintes en 1955. Pareil, pour soigner certains cancers, on bombardait les zones corporelles atteintes, on faisait de la radiothérapie. On a mis des années à s'apercevoir qu'en fait, les conséquences secondaires de ces radiothérapies étaient plus à craindre que la destruction des cellules cancéreuses. Ce qui amène justement ce problème, non seulement de la méconnaissance, mais aussi du déni total. On se rappelle évidemment, tout le monde en a même été jusqu'à plaisanter parce que c'était tellement énorme, l'histoire de Tchernobyl et du nuage qui passait par la frontière. Il y a eu tous les gens qui ont souffert de cancer à la suite justement de cette catastrophe entre guillemets, parce que c'est en fait c'est dans la suite des conséquences justement du nucléaire. Les gens ont envie de ne pas savoir. Bah oui, ça se comprend. Ça, ceci dit, ça se comprend un peu humainement parlant, parce que c'est une telle figure de la mort. Oui, mais ça veut dire, bah, allez-y les copains, là, vous faites ce que vous voulez, et puis nous, c'est pas grave. Oui, mais c'est sur quoi j'attire l'attention, si tu veux. C'est pas aussi... Il y a quand même une difficulté, si tu veux. Il y a parfois des obstacles, et là, je pense qu'il y a un obstacle majeur, parce que combien de fois j'ai entendu, ah oui, tu veux parler du nucléaire, ouais, mais ça va plomber l'atmosphère, c'est le cas de le dire, d'ailleurs. Ce que j'ai oublié de dire en présentation du nucléaire aussi, c'est qu'on peut dire que c'est la figure de la mort la plus terrible que l'humanité ait jamais inventée. Donc à ce titre, et aussi au titre dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire qu'en fait, avec cette guerre généralisée aux vivants, c'est de la mort dont il s'agit. Et en fait, ce que je dis dans le livre, mais qui serait peut-être plus compliqué à expliquer ici, c'est qu'en fait, pour qu'un capitalisme comme celui-ci, et qui est basé sur une guerre généralisée aux vivants, donc sur la mort, hein, que ce soit, quand je dis vivant, c'est aussi bien humain que animal que végétal. Hein. Et donc, pour que ça passe, il faut érotiser la mort, c'est-à-dire il faut la présenter sous un jour attrayant. Par exemple, la Révolution verte. Et en fait, on a mis des décennies à voir qu'en fait, c'était un empoisonnement des sols, un empoisonnement des plantes, un empoisonnement des animaux, un empoisonnement des êtres humains, donc sur toute la ligne. Donc, il s'agit bien de quelque chose de mortifère. Et ça a été présenté sous un jour attrayant, comme la modernité, etc., etc. Et grâce au mode de connaissance scientifique, d'ailleurs. Ce qui était très, très difficile, il y a encore pas longtemps, c'est que jusque dans les années 50, on vendait de la crème de beauté au radium. Bon, alors maintenant, ça, c'est très, très connu dans le mouvement antinucléaire, tout ça, et on en sourit. Mais on n'en tire pas les conséquences. C'est-à-dire que ce qu'il faut vraiment marteler, c'est qu'il y a là, il y a derrière ça, le fait que le nucléaire, ça doit être qualifié comme le fils aîné du mode de connaissance scientifique. Je préfère parlez-moi de mode de connaissance scientifique, parce que ça sous-entend qu'il puisse y avoir d'autres modes de connaissance, et pas seulement la science, qui d'ailleurs, par bien des aspects, prend des, dans les régimes de vérité, prend un aspect religieux d'ailleurs. C'est une conséquence majeure de la réflexion, c'est-à-dire il faut marteler ça. C'est-à-dire, le nucléaire, dans tous ses aspects, y compris jusque médical, c'est le fils aîné du mode de connaissance scientifique du XXe siècle. On le voit bien, et tu l'examines justement dans ton livre, c'est que à partir du moment où on a brisé le tabou, à partir du moment où on a passé la frontière, et que effectivement la vie humaine n'a plus du tout la même valeur qu'elle pouvait avoir avant. Au nom de la science, au nom de la modernité, entre guillemets, on peut tout accepter. Quand on voit maintenant, même dans les pratiques sociales, quand on voit les relations au travail, toi tu en parles très bien, tu dis, bah alors maintenant c'est travail non-stop, on peut travailler partout, chez soi, dans le métro, dans le train, bon, il n'y a plus de vie privée, etc., etc. Et que petit à petit, on en vient même à des phénomènes comme le phénomène de serial killer aux États-Unis. Comment se fait-il que d'un seul coup, des jeunes, dans, par exemple dans les universités ou surtout dans les collèges, avec Internet, ils sont complètement isolés et d'un seul coup, un jour, ils achètent un flingue sur Internet, ils se font livrer et ils tirent dans le tas. Mais ça rend bien compte, ces phénomènes que tu décris, ça rend bien compte de l'effondrement. Tout à fait. De l'effondrement. En fait, c'est l'évolution constante de cette espèce de brisure, de fracture. Et après, on ramène ça, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, à des phénomènes, oui, c'est des catastrophes, ah, c'est terrible, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Voilà, c'est exactement ça. Si on écoute les informations à la radio, bon, tous les jours, on nous annonce, pratiquement tous les jours, on annonce les catastrophes. Et quand il y a les tueurs fous, notamment aux États-Unis, alors là, ça fait la une pendant plusieurs jours. À mon sens, il faut essayer de penser ça. Alors, entendons-nous bien, penser ça peut avoir des limites, parce que ça dépasse justement le cadre de la pensée habituelle, ça dépasse le cadre de la pensée rationnelle, parce que ça nous met en jeu nous-mêmes. Et d'ailleurs, quand je disais tout à l'heure que ces sociétés capitalistes sont effondrées, ça signifie aussi que les personnes qui la composent, y compris moi-même, il y a quelque chose d'effondré en tant que tel. Et moi, je ne m'exclus pas de ça, contrairement à certains penseurs qui se mettent sur le promontoire de la rationalité de la pensée et qui pensent échapper au phénomène. Moi, pas du tout. Et d'ailleurs, ce qui permet d'aller au fond de l'analyse critique. Et ce que je voulais dire, ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est que si on peut dire que le fond du capitalisme, c'est de réduire le vivant à une abstraction. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de parler du charbon ou du pétrole qui mettent 200 millions d'années à mûrir, en quelque sorte, on parle de ressources, ou on parle d'énergie, qui sont déjà des termes scientifiques qui arraisonnent la nature, en quelque sorte, comme aurait dit Heidegger, que je déteste. Ou bien, le nec plus ultra du capitalisme, c'est de réduire d'ailleurs toute chose, tout le vivant, en variable d'ajustement. Eh bien, si on compare ce processus, là, au fond, ce process du capitalisme, avec le process du mode de connaissance scientifique, il y a une espèce ce que j'appelle, moi, une isomorphie structurelle. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que le mode de connaissance scientifique, lui aussi, son objet, c'est de rendre compte du réel par des équations, c'est-à-dire par quelque chose d'abstrait qui permet de mesurer le réel. C'est-à-dire une abstraction commensurable. E égale MC2 ou d'autres relations de physique qu'on a pu apprendre à l'école, c'est bien une abstraction du réel. C'est exactement le même phénomène quand on parle de ressources, c'est-à-dire il y a déjà là une transformation de la nature, entre guillemets, du vivant, en une abstraction. Or, on voit bien que là, quand je dis que le fond du capitalisme, c'est de tout transformer en une abstraction ou en une variable d'ajustement, ce qui est la même chose, pour que le capital circule le plus rapidement possible. Et quand je dis que, d'autre part, le mode de connaissance scientifique, en fait, il fait la même chose avec le réel. On imagine bien que dans ce que j'ai appelé tout à l'heure la triple alliance qui se noue historiquement à la fin du 19e siècle, il y a une synergie qui se met en place entre le capitalisme et le mode de connaissance scientifique. Et ça va décupler les effets qui sont en fait des effets mortifères par rapport au vivant. Donc, et là où on retombe sur ce que je, moi, ce que je pointe au niveau historique. C'est-à-dire, ce que je pointe au niveau théorique, là, en ce moment, se réalise au niveau historique à plein, si on peut dire, après 45, et on y est en plein dedans, là. Et en plus, même, bon, on pourrait parler du capital fictif, maintenant, qui remplace le capital industriel et qui circule à la vitesse de la lumière sous forme de zéro et, c'est ça, et de l'abstraction va de mal en pis, on va dire. Mais tu parles d'ailleurs dans ton livre de la nécessité d'un regard prospectif à partir d'Hiroshima Nagasaki, combiné à un regard rétrospectif à partir d'Auschwitz-Birkenau. Ça, c'est clair, c'est-à-dire que pour toi, là, il y a une jonction qui s'est établie, qui fait que, qu'il y a eu un impact absolument énorme au niveau planétaire, non seulement sur, on sait ce que ça a produit, mais également dans la pensée. Sous réserve d'inventaire, c'est une nouveauté, à mon sens, à la fois au niveau théorique, philosophique, politique et historique, c'est-à-dire l'articulation entre cette nouvelle qualification du nucléaire et aussi cette nouvelle qualification, quelque part, de Auschwitz-Birkenau. C'est ce qui me fait dire, par exemple, par rapport à Auschwitz-Birkenau, c'est quelque chose qui m'a taraudé. Moi, je ne suis pas d'origine juive, mais c'est quelque chose qui m'a taraudé pendant 30 ans. Parce que j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui nous échappait. Et que, bon, j'ai une formation aussi d'historien, entre autres, et je connais, comme tout le monde, les phénomènes historiques qui ont mené la montée du nazisme. Hein. Mais j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui nous échappait. C'est ce qui m'amène à dire, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut le ramener à ce qui se passe à la fin du 19e siècle et au début du 20e avec l'eugénisme, les premiers camps de la mort, les premières expériences médicales sur les héros, etc., etc., que, en fait, au jour d'aujourd'hui, que ce soit ici en Allemagne ou ailleurs, toute la dimension dramatique d'Auschwitz n'est toujours pas comprise. Parce que pour la comprendre, il faut justement avoir une vision critique radicale du capitalisme et de l'histoire et de l'historiographie qui en est faite à ce jour. Quand on combine à la fois cette analyse radicale du nucléaire et cette analyse radicale d'Auschwitz-Birkenau, bien sûr que ça donne quelque chose à la fois au niveau théorique, hein, je dis au niveau théorique, philosophique et politique, quelque chose de nouveau forcément. Et même psychanalytique. Et oui, tout à fait. Parce que alors là, bon, là, c'est aussi un autre débat. C'est, bon, à un moment donné, en 2016 et en 2017, je faisais un séminaire à la bibliothèque associative de Malakoff et aussi on était amené à voir ce qu'en disait la psychanalyse et les ratés, à mon avis, de Freud dans ses élaborations et notamment dans l'élaboration de l'instinct de mort. Bon, parce que, comme je dis d'habitude, il le fait en 19. Freud sent bien, comme beaucoup des gens de son époque, qu'avec 14-18, il y a un pas qui a été franchi, quoi, et qu'il y a quelque chose, d'autant plus qu'il a trois fils à la guerre, dont un qui reviendra même après la fin de la guerre, puisqu'il était prisonnier en Italie. Et il fait cette élaboration qui tient absolument pas la route, qui est l'élaboration de l'instinct de mort. Et comme, dire que je qualifie cette élaboration de l'instinct de mort comme un des points aveugles de la théorie psychanalytique. Parce qu'il sent bien qu'il y a quelque chose, mais comme Freud est un homme, enfin, c'est un homme politique bourgeois, quoi, je veux dire, de droite, quoi. Après, il y a des concepts comme celui de l'inconscient et d'autres qui sont quand même fondamentaux. Mais n'empêche qu'il n'a, même dans l'avenir d'une illusion ou bien malaise dans la civilisation, etc., etc., il ne comprend absolument pas ce qui se passe et les origines de ce qui se passe en Occident avec l'arrivée du capitalisme. Il ne le comprend pas. Et donc, il attribue à une espèce de nature humaine, en fait, il en fait quelque chose de transhistorique, quoi, un instinct de mort. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis même pas d'accord pour qu'on dise qu'il y a un instinct de mort du capitalisme, parce que c'est une façon de naturaliser le capitalisme, de l'anthropologiser. Et non, il n'y a pas un instinct du capitalisme, parce que ça masque l'analyse, la radicalité de l'analyse qu'on peut faire du capitalisme. C'est l'essence même du capitalisme, cette histoire de mort. Ce qui est terrible, c'est que le capitalisme a l'air de se recycler à chaque fois et de retrouver d'autres points pour justement continuer à progresser dans cet instinct de mort. Donc moi, ce que j'ai envie évidemment de demander, bon, je suis volontariste et donc j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors là, ça c'est une question extrêmement importante et qui n'est pas facile et que tous ceux qui essayent de penser, enfin, qui est embarrassante. Alors, il y a deux choses. Il y a ce que j'appelle les obstacles à la critique et à la vision critique. Les obstacles à la critique, aussi bien militante qu'intellectuelle d'ailleurs. C'est-à-dire, quels sont les obstacles ? Pour ceux qui ont vu le film de Lanzmann, La Shoah ou d'autres films, moi je dis qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans la critique radicale du capitalisme sont comme les porteurs de secrets des camps. C'est-à-dire les porteurs de secrets, c'est ceux qui charriaient les cadavres des chambres à gaz jusqu'au four crématoire, qui étaient eux-mêmes destinés aussi à être brûlés, et auxquels on interdisait de prononcer les mots mort, cadavre, etc., sous peine de passer aussi au four crématoire. Donc on les appelait les porteurs de secrets ou les under-commandos. Bien, eh bien, aujourd'hui, moi, je pense qu'on est quelque part rendu dans cette situation. C'est-à-dire, c'est ce que aussi je disais tout à l'heure quand je disais quand on veut parler du nucléaire, on nous accuse de plomber l'atmosphère. Ou de vouloir revenir à la caverne. Ou de vouloir revenir à la caverne. C'est-à-dire que, comme cette société, la phase où on est rendu ce capitalisme est profondément mortifère, ça nous oblige, nous, critiques radicaux, à parler de la mort. Et c'est ça la difficulté. C'est ça une des difficultés actuelles. Mais à partir du moment où on est conscient de cette difficulté, justement, le fait d'en être conscient, ça peut permettre de trouver des chemins de passage. Et notamment en ce qui concerne, par exemple, le régime de la vérité, que j'appelle le régime de la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, et ça va rejoindre ce que je disais sur le mode de connaissance scientifique, aujourd'hui, si on ne ponctue pas une phrase par « c'est scientifique » ou « c'est un rapport scientifique », etc. Des experts. Voilà, ou ce sont des experts qui ont un raisonnement scientifique, etc. On n'est plus crédible. On n'est plus crédible, voilà. Et le saut de la crédibilité, c'est le mot « science » ou « scientifique » aujourd'hui. Or, ça, c'est quelque chose qui doit être passé à la moulinette de l'analyse. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que, en même temps que le mode de connaissance scientifique et le capitalisme, notre imaginaire, il a été structuré au fil de ces deux derniers siècles, de telle manière que c'est la rationalité calculatrice qui gouverne notre imaginaire aujourd'hui. C'est-à-dire, bon, c'est Brel qui le disait, hein, parce que comme d'habitude, les artistes peuvent être en avance par rapport à tous ceux qui essaient de penser. Il disait, chez ces gens-là, monsieur, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas, on compte. Et c'est ça, quoi. Et aujourd'hui, on n'arrête pas de compter, quoi, et dans tous les sens du terme. C'est bien le symptôme du fait que notre imaginaire, et y compris le mien, est structuré par cette rationalité calculatrice. À partir du moment où cet imaginaire est structuré par la rationalité calculatrice, c'est le ferment même de l'illimitation, qui est aussi inscrit dans le capitalisme. C'est-à-dire, le capitalisme, c'est aussi l'illimitation dans le sens où il faut toujours dégager le plus de survaleur et de surprofit possible, et donc utiliser la science et la technique à cette fin par rapport aux concurrents pour dégager cette survaleur. Et pareil au niveau scientifique. Au niveau scientifique, il n'y a rien qui peut, comme le disent certains, rien ne peut arrêter la science. Et c'est vrai, il y a une illimitation aussi qui est intrinsèque à la fois à ce mode de connaissance scientifique et à la fois au capitalisme. Donc ces deux illimitations ensemble fait que c'est extrêmement difficile, et en même temps il y a aussi le fait qu'il y a cette résonance en nous par l'imaginaire qui a été structuré de cette manière-là. C'est pour ça que ça rebondit aussi sur la question que je me posais par rapport à Auschwitz, parce que la question fondamentale que je disais tout à l'heure, c'était la suivante, c'est comment se fait-il qu'un régime nazi a pu perdurer 12 ans et même parfois 20 ans dans certains milieux? Ça ne peut pas seulement être expliqué par des causes objectives et par la contention, mais il y avait une résonance en quelque sorte à ce moment-là dans la population par rapport à ce que proposaient les nazis. Mais par exemple, tu dis, dans le livre, tu dis que les historiens et les historiennes négligent justement les dimensions inconscientes de l'adhésion au national-socialisme. Et par ailleurs, la psychanalyse ne prend pas en compte l'histoire et la politique. Exactement. Donc, si on ne croise pas toutes ces données-là, de la même manière que, par exemple, Olivier Lecourt Grandmaison croise plusieurs disciplines pour comprendre ce qu'était évidemment la colonisation, mais on peut pas, on va automatiquement, ça va être une petite parcelle, mais on va pas pouvoir tout... Exactement. Sinon tout, mais en tout cas, disons, comprendre une grande partie. Oui, ce sont même les clés de la compréhension, parce que, par exemple, même si aujourd'hui, moi j'attire l'attention sur le fait que ce qui fait aussi que le capitalisme perdure, c'est la structuration de notre propre imaginaire. Ça veut dire que c'est quelque chose de fort. Mais c'est en même temps, ce qui est aussi porteur d'espoir, c'est en même temps le talon d'Achille du capitalisme. Parce que c'est là où je réinvestis mon expérience de mai 68. Mais en mai 68, moi, je faisais partie des 5 personnes qui étaient à la tête du mouvement lycéen à Marseille. Et ce qui était incroyable, ce qu'on pouvait voir en 68, c'est justement le retournement de cet imaginaire qui s'effectue parfois de manière rapide, quelquefois de manière spectaculaire. C'est-à-dire qu'on voit des gens qu'on pouvait qualifier à l'époque de beaufs devenir des acteurs sociaux avancés qui s'engagent, qui vont se battre, etc. Et il y a pourquoi ? Pourquoi il y a un retournement de cet imaginaire ? Parce que la société à ce moment-là est complètement bloquée. Il n'y a plus moyen de vivre même comme avant. C'est-à-dire, il n'y avait plus d'essence, plus de radio, plus de télévision, etc. Donc, tous les points de repère de la vie habituelle sautent. Et donc, il n'est plus possible non seulement de vivre comme avant, mais de penser comme avant. Et en plus de ça, quand vous avez un mouvement étudiant qui met en échec l'État fort qui avait été construit justement pour être un État fort et qui met cet État fort en échec pour la première fois, il y a quelque chose là d'un double bouleversement qui se produit, à la fois dans la rue et dans les consciences, parce que cette société est bloquée. Et c'est là, c'est quand on ne fait pas cette analyse, on ne comprend pas que cet imaginaire qui est aujourd'hui le suppôt du capitalisme, c'est aussi son talon d'Achille. Ouais. Tu es en train de me dire que la résignation n'est pas absolument pas fatale. Moi, je ne pense pas non plus. Je dirais même plus. À mon sens, c'est même plus important que ça. C'est même pas seulement une question de résignation, c'est que aujourd'hui, la seule par rapport justement à cet effondrement de la société, par rapport à cet effondrement de nous-mêmes en tant que tel, en tant qu'être humain, si tu veux, à mon avis, la seule manière de rester humain aujourd'hui, c'est justement de se battre et de manière radicale contre cet ordre qui nous déshumanise. Donc, nous parlions du livre de Jean-Marc Royer, Le Monde comme projet Manhattan, des laboratoires du nucléaire à la guerre généralisée aux vivants. J'aimerais que tu nous redises l'initial sous-titre qui était donc à cette première publication. Oui, le sous-titre initial, c'était Capitalisme et guerre universelle aux vivants depuis Hiroshima. Et c'est publié donc aux éditions Le Passager clandestin fin 2017. Et faut signaler aussi qu'il y a une préface d'Annie Thébaud-Mauny, qui est une sociologue qui a beaucoup encouragé aussi les gens qui étaient victimes de l'amiante ou les travailleurs du nucléaire à se porter partie civile dans différents procès. Il y a une postface aussi dans le SELM il y a peu qui fait partie du courant de critique de la valeur allemand, mais pas que. Vous écoutez donc Radio Zinzine. Et je remercie Radio Libertaire donc de m'avoir communiqué cet enregistrement que j'ai un petit peu raccourci. C'est l'émission Chronique Rebelle qu'on peut trouver sur Radio Libertaire. Le livre de Jean-Marc Royer est évidemment disponible en librairie. Vous pouvez aussi trouver une présentation un peu plus détaillée sur son site Jean-Marc Royer, en un seul mot, avec un Y à royer.com. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.